Salut, hey, salut. Qu'est-ce que tu fais, Phil? Qu'est-ce que tu fais? Mon Dieu. À 45 passé en 33 tours. To cool ça, non ? Que la mer. Et qu'on voit danser. Le long. Cucu. Putain, alors sa carte, la carte son qui craque de partout. Les murs, tu et jures les murs. Ça se décale tout. Mon papa, il était maçon. Formidable. Désolé, c'est mon ordinateur qui. C'est ta carte qui merde. Promotion rayon cacahuète. C'est du sweep de bain là, non ? putain, le beau métier. Être putain, quelle destinée. Donner aux hommes ce qu'on a de mieux. C'est tout le système du bon Dieu. J'étais connecté, putain. Ah, je suis désolé. J'ai des gros problèmes d'ordinateur. J'ai un problème. Mon ordinateur me casse les couilles. Moi je l'ai plein pot dans les oreilles. Ah ouais, peut-être.